Le saint est grandement parfait, et il paraît plein d'imperfections. Ses ressources ne s'usent point. Il est grandement plein, et il paraît vide. Ses ressources ne s'épuisent point. Il est grandement droit, et il semble manquer de rectitude. Il est grandement ingénieux, et il paraît stupide. Il est grandement disert, et il paraît bègue. Le mouvement triomphe du froid, le repos triomphe de la chaleur. Celui qui est pur et tranquille devient le modèle de l'univers.